moi. J'ai besoin de toi comme toi de moi. Reste, reste, ne t'en va pas. Tu le regretterais presque autant que moi. Quand j'entends la porte se fermer sur toi, quand j'entends au loin s'éloigner ton pas, je me sens soudain tout désemparé. J'ai la tête vide et le cœur serré. Je sais bien, j'ai mes défauts. Je ne sais pas toujours trouver les mots qu'il faut. Je ne suis guère attentionné. Peut-être as-tu peur de ne pas être aimé. Toi de moi, reste, reste, ne t'en va pas. Tu le regretterais presque autant que moi. Souvent je te vois, cet air désolé, et je meurs d'envie de te consoler, de t'ouvrir mes bras, de prendre ta main. Mais c'est par orgueil que je me retiens. Vivre à deux, c'est difficile. En